Léonce Vitariho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le parti CNDD-FDD au pouvoir a désigné hier samedi le président de la République Pierre Nkurunziza comme guide suprême et permanent. La décision a été prise par le comité central du parti. Le gouverneur de Muyinga au nord du pays appelle les jeunes filles à se faire inscrire pour les tests de recrutement des militaires. Le constat est que les chiffres pour les inscriptions en cours sont encore en bas pour les militaires de rang. Et puis, l'organisation ONLCT condamne la violence qui a été perpétrée contre Claudine Ngorelimana, la jeune fille qui fait le taxi-vélo en zone Buterere, au nord de Bujumbura. Claudine qui a été battue par ses camarades pour s'être exprimée dernièrement sur Radio Isanganiro. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le parti CNDD-FDD au pouvoir a désigné le président burundais Pierre Nkurunziza comme guide suprême et permanent. Au terme d'une réunion du comité central, ce samedi, le président du parti, Evariste Ndayishimiye, a dit que personne n'a le droit de se comparer au numéro 1 burundais. C'est comme un parent du parti, dit-il. Je voudrais par ailleurs annoncer à l'audience ici présente que le comité central du parti CNDD-FDD a déjà décidé que son excellence, le président Pierre Nkurunziza, est notre leader au sein du parti. C'est lui notre aîné. Ainsi, au sein du parti CNDD-FDD, personne n'a le droit de se comparer à lui. C'est notre parent. C'est lui qui nous donne conseil. Et c'est pour cette raison que je demande à tous les partisans Wagnyawanga de respecter cette décision, car un ménage sans chef n'est jamais respecté. Heureusement que nous, nous avons notre aîné. Le président Pierre Nkurunziza qui devient le guide suprême, c'est lui aussi qui est à la tête du Conseil des sages au sein de ce parti, le CNDD-FDD. L'organisation ONLCT Où est ton frère condamne la violence qui a été perpétrée contre Claudine Ngorelimana, la jeune fille qui fait le taxi-vélo en zone Buterere, au nord de la capitale Bujumbura. Il a été battu par un autre conducteur de taxi-vélo, l'accusant de s'être exprimé sur les ondes de la radio Isanganiro à propos de ce qu'elle a fait en tant que femme. C'était pendant la semaine dédiée aux femmes. Prime Mbarubukeye, le président et représentant légal de cette organisation ONLCT, demande que l'auteur de cette violence soit puni conformément à la loi. Suivez. Nous avons accueilli cette mauvaise nouvelle avec consternation et nous profitons de cette heureuse opportunité pour condamner avec toute notre dernière énergie ces actes de barbarie orchestrés par ses collègues qui sont des taxis-vélos comme Claudine. Nous voudrions vraiment demander à la justice d'instruire ce dossier avec célérité parce que Claudine vient d'être victime des coups et blessures qui ont été administrés par ses collègues taxis-vélos. Ce genre de dossier, heureusement qu'il y a des chambres spécialisées dans chaque parquet du pays. Dans chaque tribunal, dans chaque juridiction, nous demanderions à ce que la chambre spécialisée du parquet de la victime puisse se saisir du dossier pour instruire avec célérité afin que les présumés auteurs soient punis conformément à la loi. Et deuxième chose, nous voudrions demander aux femmes burundaises de ne pas reculer devant cette situation parce que c'est une situation de nature à les décourager et au moment où elles étaient en train de voir comment s'arranger pour se débrouiller dans la vie, pour faire les mêmes activités que celles que font les hommes, il y a certains hommes qui sont en train de les décourager pour pouvoir les faire abandonner ce genre de métier. En Afrique de l'Ouest, ce sont les femmes qui sont les taxis vélos, ce sont les femmes qui sont les taxis motos. Il n'y a pas de problème. Mais ici au Burundi, puisque la culture burundaise parfois condamne les femmes à rester au ménage sans faire les mêmes métiers que ceux faits par les hommes, c'est un problème parce que le mari court lui seul à la recherche de la vie alors que la femme devrait l'aider pour gagner la vie. Alors nous demanderions aux femmes de sortir de leur silence, de sortir des barrières culturelles, de s'en débarrasser pour pouvoir justement chercher la vie parce que les femmes sont aussi capables de quelque chose. Elles peuvent faire ce que font les hommes sans problème. C'est question seulement de culture et de complexe. L'expérience l'a montré et l'histoire. Voilà. Au taxi Véron, je leur lance un appel vibrant pour leur dire qu'ils doivent respecter vraiment la femme qui se trouve parmi eux et qui fait le même métier que celui qu'ils font eux-mêmes. C'est vraiment un appel de respect tout simplement. Pour sa part, Emmanuel Nimbona, représentant de l'Association des transporteurs à vélo au Burundi, Sotavebu en sigle, une association dont Claudine Ngorimana est membre, dit qu'il n'a pas encore contacté cette fille, mais qu'il demande que l'auteur de cet acte ignoble soit puni conformément à la loi. Emmanuel Nimbona demande aux autres filles et femmes intéressées par le métier de ne pas être découragées par cette situation, mais plutôt de prendre Claudine comme modèle. Suivez. Au sein de notre association, nous l'avons appris et compris qu'il y aurait un comportement qui n'est pas bon, car en effet, quelle que soit la faute commise par quelqu'un, personne n'a le droit de se faire justice. Nous avons ainsi essayé de savoir où a eu lieu cet acte, les auteurs, et avons vite renseigné les faits auprès des services de sécurité. L'auteur a été arrêté. Et puis, nous avons essayé de chercher Claudine, membre de notre association de conducteurs de taxi-vélo. Nous ne l'avons pas encore vue pour mieux savoir ce que l'on devrait faire dans la suite, mieux savoir également son état de santé. Claudine n'a commis aucune faute en s'exprimant à la radio à propos de son métier de taxi-vélo. Mais quelle que soit la faute, je le dis, ceux qui l'ont battu n'en avaient pas le pouvoir, n'en avaient pas le droit. Ce ne sont pas eux qui ont le pouvoir de punir quelqu'un. À part que nous tenons régulièrement des réunions pour nous conseiller mutuellement, il faut savoir que Claudine est l'une des rares filles que nous avons accueillies pour faire le taxi-vélo. Et elle en est capable. On la prenait comme référence pour appeler d'autres filles et femmes à aimer cette activité. C'est pour cette raison que les services habilités devraient punir les coupables en vue d'empêcher d'autres qui se comporteraient de la sorte. Et puis, que cela ne décourage pas d'autres filles et femmes qui voudraient faire le taxi-vélo. C'est un travail comme tant d'autres. Ceux qui le font ne se plaignent pas. Il ne faut pas se décourager en considérant ce qui s'est passé pour Claudine. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le gouverneur de la province de Muyinga, au nord du pays, demande aux filles de se faire inscrire pour les tests de recrutement des militaires. Pour les inscriptions en cours, en effet, les filles représentent moins de 10% des inscrits pour la catégorie de militaires de rang. Les précisions de Dieudonné Nzeimana depuis Muyinga. 35 filles se sont déjà enrôlées pour passer les épreuves d'accès à la Force de défense nationale du Burundi dans la catégorie des militaires d'Oran. Parallèlement, environ 600 garçons se sont fait inscrire. Les filles représentent moins de 10%. Au cours de cette semaine où la défense des droits de la femme fait parler d'elle, car ça coïncide avec la journée du 8 mars, Aline Manil Barcha, gouverneur de la province Muyinga, saisit l'occasion pour inviter les filles à se faire enrôler. Défendre la patrie est un honneur, mais aussi c'est accéder à l'emploi, estime le gouverneur. La journée internationale de la femme a été célébrée à l'échelle provinciale à Mwakiro vendredi. Le slogan « Chère aux femmes, faites-toi chevoyer, nous sommes capables ». Certaines filles affirment pourtant avoir peur de s'enrôler pour l'armée, à métier dire et d'ajouter les tracasseries liées à la recherche des dossiers. Passer des jours au chef-lieu de la province pour se faire inscrire est aussi propre aux individus en dira. Les leaders féminins continuent la mobilisation, les inscrits ayant débuté le 26 février seront clôturés le 16 du mois en cours pour cette catégorie. De Muyinga, Dieudonné Nzeimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Un homme qui ferait partie d'un groupe de prière est en détention depuis mercredi au chef-lieu de la commune Mutambo en province de Bujumbura. Il est avec une fille pour qui il priait. Les deux ont été arrêtés après que cette jeune fille se soit adressée à un infirmier du dispensaire de Ruvyagira, lui demandant de l'aider à avorter. L'infirmier a en effet alerté la police qui par après a arrêté la fille. L'information est confirmée par le chef de colline Aloïse Havzarimana qui renseigne que cette fille a finalement pointait du doigt l'homme qui l'aurait engrossé. Le pamplemousse, un nutriment considéré comme médicament pour les enfants souffrant du kwashiorkor, est vendu actuellement dans différentes boutiques de la province de Bubanza. Le médecin directeur de cette province met en garde ses commerçants et précise que ceux qui consomment le pamplemousse alors qu'ils n'en ont pas besoin peuvent avoir des problèmes de santé. Spescaritas Kabanyan. Un sachet de pamplemousse coûte 500 francs dans différentes boutiques de cette province de Bubanza, comme au centre de Musenyi, en commune Manda, à Muzinda, en commune Rugazi, à Kivyuka, à Gihanga et dans d'autres localités. Il est pourtant destiné aux enfants souffrant du kwashiorkor, comme le précisent les responsables des sanitaires contactés. Et pas mal de personnes se demandent s'ils seraient transportés dans ces boutiques par les bénéficiaires eux-mêmes ou si les commerçants auraient trouvé un marché d'approvisionnement. De toute façon, le pamplemousse ne devrait se trouver nulle part que dans les centres de santé et dans les hôpitaux, selon un animateur communautaire interrogé au centre de Musenyi. Il ajoute que tous les enfants aiment ce produit appelé communément igikarango. Cependant, les enfants qui le consomment alors qu'ils ne souffrent pas de kwashiorkor doivent savoir qu'ils peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur leur santé, selon le médecin directeur de la province sanitaire de Mwanza. Docteur Joël Bigirimana met en garde ses commerçants et précise que celui qui sera attrapé en train de vendre ce produit destiné aux malades sera sanctionné conformément à la loi. Pes Caritas Kabanyana, Mwanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kawanyana. Au sport, le club automobile du Burundi a organisé ce dimanche une compétition de course des véhicules passant par des obstacles. Cette course a vu la participation de 15 compétiteurs. Le gagnant, c'est Onésime Bijege. Cela faisait 4 ans que cette fédération n'organisait pas ce genre de compétition. Mais le vice-secrétaire général du club automobile indique qu'ils avaient placé les efforts dans l'organisation des rallyes, mais qu'ils vont désormais régulièrement organiser ce genre de compétition. Adon Negamie annonce déjà une autre course du genre qui se déroulera en Ngozi au mois d'avril prochain. Suivez-le au micro de Ban Niongour. On a mis des efforts dans l'organisation des rallyes, mais maintenant on s'est dit on va donner la chance aux gens, monsieur, madame, parce que en fait on voulait aussi inviter les dames à venir faire la compétition ici, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, cette année-ci, on a dit on va donner la chance aux gens, et puis même dès l'année prochaine, on va essayer de inclure ce genre de slalom dans notre championnat pour ouvrir nos portes, pour donner la chance à monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Êtes-vous satisfait des chronos réalisés par les coureurs? On est vraiment satisfait. Les gens, on a essayé de mettre des obstacles pour que ces gens aient les difficultés et aussi puissent nous montrer leur habilité à contourner les obstacles. On est vraiment satisfait et la preuve, c'est que celui qui a été premier, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le sport automobile. C'est quelqu'un qui est venu, nous a approché et puis on lui a dit, vous venez, vous faites la compétition. Et puis aujourd'hui, vous avez vu les prix qu'il rentre avec. J'aimerais premièrement remercier les gens qui ont sponsorisé l'événement et puis faire un grand appel aux autres sociétés qui puissent venir nous épauler dans ces activités. Ça demande beaucoup de fonds, ça demande beaucoup d'efforts. Et puis on aimerait que ces sociétés puissent nous épauler, même dans les prochains jours. J'aimerais annoncer qu'il y a un rallye au mois d'avril, le 28 et le 29 avril, le rallye de Ngozi. On aimerait lancer un grand appel aux gens qui aiment le sport automobile pour qu'ils puissent être présents ces deux jours-là à Ngozi. Le gagnant de la compétition, Onésime Bijege, se dit satisfait, d'autant plus que c'était pour la première fois qu'il participe dans cette course. Il en appelle à d'autres de s'essayer pour découvrir leur talent. Suivez. Bon, vraiment, je suis très content, très très content. Je suis très content de cette compétition qui vient de se passer aujourd'hui. J'ai été premier, je ne m'y attendais pas. Vraiment, je me félicite, je félicite le club automobile. Merci. Bon, les difficultés, c'était les réflexes surtout. Bon, ça fait plusieurs années, mais c'est la première fois que je fais une compétition. J'espère que je vais continuer, parce que c'est très amusant. Bon, je dirais à tout le monde de venir essayer. Je les encourage à venir, comme je l'ai fait aujourd'hui. C'est une bonne chose. Merci. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti pour la collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir.